de Asia, de África, Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. FPP, fréquence plurielle, vous êtes avec la jungle des luttes, programme proposé par le CSPCL, Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, comme tous les troisièmes lundis du mois en direct, 19h-20h30, retransmis le quatrième jeudi, le matin, de 8h à 9h30. Donc on est très content d'être avec vous pour cette nouvelle année, une nouvelle année qui se promet... de résistance, enfin j'espère qu'on se promet que ce sera de résistance et de lutte puisque rien ne va plus. Donc on va parler de lutte tout au long de cette année, c'est la jungle des luttes. Donc on est aujourd'hui avec un délégué du collectif des jeunes du parc de Belleville. Pour ceux qui suivent un petit peu les luttes et la question des sans-papiers et puis la question du logement et puis le manque de dignité dans tout le traitement qui est fait. Donc on va pouvoir aborder un petit peu cette réalité aujourd'hui de ces jeunes dont on a beaucoup parlé du temps où ils occupaient la gaieté lyrique. Donc là, les journaux et les médias, en tous les cas, en parlaient régulièrement. Donc là, ça fait quasiment un an qu'ils sont toujours à la recherche de solutions pérennes et dignes pour ces jeunes mineurs qui sont à la rue. Et donc, on sera avec Claudie, qui sera donc là pour au nom du collectif. Et en deuxième partie, comme c'est souvent, on essaie de faire un petit point sur les apatistes. Et donc, on a une copine qui revient d'un séjour là-bas, donc elle pourra nous donner un petit peu ses impressions sur tout ce qu'elle a pu voir et découvrir. C'était la deuxième fois qu'elle y allait, donc elle pourra nous raconter un peu ce qu'elle a vu. Et on sera après ensuite avec un autre copain qui lui aussi en revient, mais lui il y est allé déjà depuis bien longtemps et depuis très longtemps. Donc lui aussi il a une vision du zapatiste. Ils pourront nous raconter un petit peu ce qu'il en était de ses dernières rencontres et de l'actualité du Mexique, du Chiapas en général. Et puis, pour vous rappeler que nous, au Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, on est une assemblée ouverte, donc tout le monde peut nous rejoindre. Et donc, notre réunion, notre assemblée n'est plus... maintenant, c'est le troisième mercredi du mois. Donc voilà, pendant très longtemps, c'était le lundi premier, premier mercredi. Mais là, on est passé au troisième mercredi du mois, donc mercredi, donc le prochain, après-demain. On est au CICP à 20h. Donc voilà, vous pouvez nous rejoindre. On y parle des luttes en général et forcément des apatistes aussi, évidemment. Et c'est un peu le sens qu'on donne à ce collectif, un peu comme le nom de ce programme de radio, La Jungle des Luttes. C'est un peu l'idée de pouvoir croiser des luttes selon nos chemins et les rencontres que l'on fait et des personnes avec qui on a des relations et dont on peut partager les luttes et les résistances. Et donc, on va commencer, comme d'habitude, avec un petit morceau de musique, histoire de se mettre dans l'ambiance. Et on sera ensuite avec les jeunes du collectif, collectif des jeunes du Parc de Belleville. Musique. Somos las putas. Valientes para la paz somos armas, somos las alas de las locuras, somos pasión, somos la llama que calienta. Hemos venido a rescatarnos de la tristeza y de los malos tratos. Estamos juntos, estamos vivas y nadie podrá con toda esta alegría. temperatura a punto de ebullición. Vibramos juntas y marcamos gol. No importa quién gane, esto es por diversión. Valientes para la paz, somos armas, somos las alas de las locuras, somos pasión, somos la llama que calienta, hemos venido a rescatarlo. Dans 6.3 FPP, la jungle des luttes, donc on est avec Glody, un délégué du collectif des jeunes du parc de Belleville. Merci d'être avec nous. Merci. Et je te laisse te présenter et peut-être nous raconter un petit peu, raconte-nous en fait comment t'es arrivé, enfin présente-toi et comment t'es arrivé dans ce collectif. Ça nous permettra aussi de raconter un peu l'histoire de ce collectif. Okay, ça marche. Bonsoir. Moi, c'est Glody, délégué du collectif des jeunes du parc de Belleville. Je suis arrivé en France. Bientôt, là, je vais faire une année en France. J'étais ici depuis le 15 février 2025. Maintenant, là, je suis délégué du collectif, comme vous venez de dire. Mais au début, tu es arrivé comme un des jeunes, comme tous les jeunes qui continuent à arriver dans ce collectif. Ouais. Ouais, au début, j'étais arrivé comme tous les jeunes qui venaient du collectif. Je devais venir comme tous les jeunes aussi, parce que quand j'étais délaissé au des appartements et tout, j'étais allé directement à Port-Marie, parce que c'est là-bas là où il y a plus de jeunes quand ils sont délaissés au des appartements. Si, par exemple, tu viens devant l'hôtel de ville à Utopia, ils vous donnent des tentes, ils vous montrent directement... Marie vous dit faut aller là-bas, il y a vos camarades, vos copains qui sont tous là-bas. Si tu veux, tu peux aller partout tu veux, mais j'aimerais bien que vous passiez par là-bas, parce qu'il y a, pas mal de jeunes, donc tout le monde est là-bas. Moi aussi j'avais vraiment pas de connaissances ici en France, j'étais nouveau, j'avais pas les choix directement, j'avais commencé à suivre les autres jeunes qui partaient directement vers Port-Marie. Et puis j'ai arrivé à Port-Marie, on a installé nos tentes. Les autres qui m'ont encouragé, frérot, donc il faut avoir toujours la force, parce que nous on était déjà ici. Il y a des autres qui ont traîné là-bas depuis il y a 17 mois, 8 mois, ça dépend. Donc il faut avoir toujours la force, du courage. Nous on était là depuis longtemps. Parce qu'avant je ne savais pas comment c'est installer les tentes. Et puis il y a des autres qui m'ont aidé à installer. Au fur et à mesure, moi-même aussi, j'ai maîtrisé. Donc, même s'il n'y a personne, je sais comment je peux installer la tente pour se coucher et tout. C'était la première nuit que j'étais couché à Port-Marie. C'était aussi la première rencontre. J'avais rencontré un soutien du collectif et un jeune du collectif aussi. C'est grâce à eux que moi aussi... Collectif des jeunes collectif du parc de Belleville. Des jeunes du parc de Belleville, merci, c'est ça. C'était la première nuit que j'avais fait à Port-Marie. C'était aussi la, de première rencontre que j'avais rencontré un soutien du collectif des jeunes du parc de Belleville et un délégué aussi, il m'avait parlé du collectif et puis j'étais intéressant en fait. J'étais intéressant après. Parce que du coup, peut-être que tu peux raconter ce que c'est le fait qu'il y ait un collectif qui soit créé, donc qui s'appelle les jeunes du parc de Belleville. Peut-être que tu peux raconter un petit peu l'histoire de... Ouais, l'histoire du collectif, parce que moi, je n'étais pas vraiment au commencement du collectif. Ben, vu que j'avais vu que le collectif aide beaucoup de jeunes, y compris moi-même, j'étais vraiment trop... Donc, j'étais vraiment... Le collectif m'a beaucoup aidé, en fait. Donc, je voulais vraiment connaître l'histoire du collectif jusqu'au fond, malgré que je n'étais pas au débit et tout. Le collectif, parce que si, par exemple, tu es... On t'a délaissé au des appartements, on nous donne des lits pour se reposer, on passe du temps. Mais des lits là, ça ne prend pas toute la journée. On ouvre à 9h et ça finit à 12h. À partir de 14h, il y a aussi des autres qui vont entrer à 14h parce que la fermeture, c'est à 17h. Donc à 17h c'est là. C'est par 3 heures, des tranches de 3 heures où tu peux un tranches. Peu te reposer, mais tu ne peux pas être le matin et, et l'après-midi. Ouais, c'est donc, l'un ou l'autre. Ouais, ouais, c'est l'un ou l'autre. Donc, vu qu'il y a plein de jeunes qui partent là-bas, donc on a divisé des cartes. Il y a des gens qui ont des cartes du matin, il y a des autres aussi qui ont les cartes de l'après-midi. La carte de l'après-midi et tout. Mais vu qu'on est délaissé, on n'a pas des. On n'étudie pas, au fait. Et puis, les jeunes préféreraient d'aller là-bas au parc de Belleville. Vu qu'à chaque fois, les citoyens français, des voisins, des habitants de côté, ils voyaient toujours des jeunes dans le parc, dans le parc, un peu. Dans le parc, dans le galère. Donc, ils étaient inspirants, en fait. Bon, pourquoi les jeunes traînent toujours comme ça? C'est qu'ils aiment vraiment les lieux ici. Hein. C'est que c'est vraiment un meilleur lieu pour eux, pour se reposer en fait. Donc, il y avait aussi des soutiens. Il y avait aussi des soutiens de Français en fait qui étaient venus vers eux pour les proposer. Bon, vous êtes des jeunes, vu que vous venez trop ici, vous traînez trop ici, on peut faire du collectif, vu que vous êtes déjà nombreux et tout. Donc, on va faire du collectif, on va vous expliquer comment ça se marche ici en France pour avoir ce que vous voulez. Faut que vous luttez en fait. Si vous luttez, après, ça va aller, vous allez pouvoir obtenir des ce choses. Que vous cherchez dans des choses. Et puis les jeunes aussi étaient chauds, ils étaient mobilisés. Notamment un logement, la santé, par exemple. Enfin, puisque vous n'avez rien, il y a la question du logement, de la santé. Ouais. Puis aussi, comme vous êtes mineur, l'école. Mmh. À la base, le collectif était là juste pour la question du logement. C'était là vraiment juste pour des logements. Mais au fur et à mesure, il y a des gens, il y a aussi des idées, il y a aussi des trucs qui montent toujours dans la tête. Bon, quand on a un peu réussi à avoir des logements, maintenant, excusez-moi, vu que c'est des mineurs ici à Paris, on a droit à d'étudier. Les mineurs aussi, ils ont droit à la santé. C'est pour cela qu'il y a encore des choses qui ont changé. Bon, on ne va pas encore se limiter juste... On ne va pas encore se limiter pour les logements. Et puis maintenant, on va encore lutter pour que les jeunes voient des études, pour les jeunes voir la carte AME, pour que les jeunes voient la carte Navigo pour se déplacer et tout. Oui, bah c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que la santé, c'est presque le premier, parce que si tu n'as pas la santé, tu ne peux pas vraiment lutter pour un logement, ni même, ça ne sert à rien d'être dans un logement si tu es malade. Et ça, c'est le plus compliqué. Le pass Navigo, ça, vous avez aussi, on en a parlé un petit peu dans les médias, légèrement, au mois de décembre, je crois que vous aviez déjà, depuis très longtemps, demandé des pass Navigo, puisque vous ne pouvez pas vous déplacer. Or, vous avez besoin de rendez-vous, de pouvoir avoir des visites avec peut-être des assistantes sociales, aussi chez un médecin éventuellement. Mmh. Et donc, tout ça, c'est aussi important, la question du Navigo. Et c'est vrai que c'est pas grand-chose, mais c'est toujours pas obtenu, quoi. Ouais. Même pour ceux qui sont à l'école, justement, comme tu disais. Ben, moi-même, là... Il y a un processus différent dans le collectif, puisqu'il y a ceux qui réussissent à être logés, hébergés, on va dire au moins hébergés, parce que c'est souvent plutôt des hébergements que des logements, en réalité. Et bah, du coup, il y a aussi tout le reste du suivi, parce qu'une fois que tu es hébergé, il faut aller aussi plus loin, effectivement. Donc du coup, il y a ceux qui, comme toi, du coup, toi, tu as réussi à être hébergé là, mais tu continues à être dans ce collectif pour continuer à apporter ton aide que tu as reçue. Et un peu une sorte de boucle, cercle vertueux. Comme c'est un peu ça là-dedans, dans cette dynamique où vous essayez, vous apprenez aussi depuis, au fur et à mesure du temps, vous apprenez aussi, j'imagine, à lutter pour différentes choses. Ouais, là vraiment c'est obligé parce que c'est la lutte qui paye. Donc comme je viens de dire, on n'est pas toujours limité pour des logements. Par exemple, si tu es logé, si tu n'as pas la santé, donc... C'est mort en fait. Si tu es logé, tu n'as pas la carte Navigo. Si tu as des rendez-vous importants, c'est toujours mort. Ben, la carte Navigo, c'est vraiment, c'est toujours chaud. C'est toujours chaud jusqu'à maintenant là. Parce que moi-même, là, je suis lycéenne, mais je n'ai pas la carte Navigo. Parfois, je pars à l'école, je fraude les trains. Parfois, vu que je suis hébergé. Pas à côté de l'école. Pas à côté de l'école. Donc, je suis obligé de frauder les trains parce que. Les retards ne sont pas tolérés. L'absence, ce n'est pas aussi toléré de venir, de s'adapter et puis de venir retard à cause du métro. Donc, on n'a pas toujours du choix. Parfois, on fraude. Parfois, s'il y a des tickets, ouais, on passe tranquillement. Mais jusqu'à maintenant, là, les collectifs entrent toujours de lutter pour des passes Navigo. Donc, égalité pour tous, fraternité pour tous. Donc, on entre de lutter pour ça toujours. Et donc justement là dans l'actualité, il y a eu récemment une occupation d'un autre théâtre qui n'a pas voulu véritablement vous accueillir, mais ça vous a permis justement de pouvoir entrer en dialogue avec la mairie. Il y a eu les 29 jeunes qui étaient présents ont pu avoir des hébergements du coup après, des négociations et des menaces avec appel de la police depuis la directrice du théâtre. Tu peux nous raconter un petit peu là du coup ce type d'activité que vous faites régulièrement en fait pour essayer d'interpeller. Vous en êtes où du coup au niveau du collectif là où il y a combien de jeunes environ avec qui vous êtes en lien et que plus ou moins je veux dire. Bon pour le moment parce qu'à chaque jour les jeunes viennent. En vrai pour le moment vraiment des jeunes du collectif, des jeunes du parc, des jeunes du collectif sont vraiment centaines de personnes, si je peux dire. Donc, on est toujours nombreux. Et pour l'occupation du théâtre, là, ce n'était pas facile. Parce que... Donc, ce n'était pas vraiment facile, en fait. Mais vu qu'on est là toujours pour l'été, on a des stratégies pour avoir aussi ce que nous voulons. Parce que la chose que tu fais à chaque fois, ça augmente encore d'expérience. Donc, on a pas mal d'expérience. C'est que dans notre lutte, comme on lutte avec des jeunes, avec des soutiens aussi, malgré que ce n'était pas facile, ben au moins les jeunes qui étaient présents, ils avaient obtenu des places qu'on avait obtenu les hébergements. Quoi. Les gens qui étaient présents là, les 29 jeunes qui étaient présents, ils avaient obtenu des places directement. Donc pas facilement parce qu'il y avait l'appel de la police, il y avait des menaces, la directrice nous disait faut débarrasser, sortez-vous du théâtre. C'est pas un endroit pour faire ce genre de choses et tout. Si vous traînez toujours, on va appeler la police et tout. Mais vu qu'on était déterminés et tout, on dit c'est pas grave. Vous pouvez appeler la police. Nous, on est là, on va pas bouger. On fait l'occupation, on va pas bouger. On aimerait bien que la police puisse venir, on peut discuter avec eux, ça sera mieux même. Et puis. Elle avait directement sortir. Ça n'a même pas traîné quelques minutes comme ça. La police était là. Après, il y avait des menaces. Genre de menaces, il y a des autres jeunes qui avaient aussi peur parce qu'on n'est pas tous même esprit. Quoi. Chacun a son esprit. Parfois, quand vous voyez les policiers arrivent, il y a des gens qui prennent le père. Il y a peur, bien sûr. Il peut disparaître de ses liens. Mais des autres qui étaient motivés, malgré la police, malgré tout là, on était focus sur notre objectif. Et puis à la fin, ça a marché. C'est une victoire, en fait. Pas une grande victoire, mais... Mais quand même. Quand même. Et donc, justement, vous avez plutôt essayé de garder votre calme et essayé de prendre au sérieux le fait que vous étiez en train d'occuper et pas juste rentrer dans la bagarre. Et de... Donc, du coup, c'était important aussi de rester focus, comme tu dis, là, sur votre objectif qui a permis de prouver votre détermination. Du coup, là, les... je pense aux apathistes, parce que les apathistes, ils parlent souvent justement de détermination et que je pense que c'est ça qui te permet de tenir malgré l'appréhension de ce qui peut t'arriver demain ou après-demain. La police, la maladie ou quoi que ce soit. Du coup, la détermination, ça te permet d'aller de l'avant. Et du coup, vous êtes un collectif avec des personnalités du coup, différentes comme dans la vie, quoi, hein, en fait. Hein. Du coup, toi, tu es délégué, mais tu disais, justement, c'est intéressant. Moi, je suis délégué, mais je suis pas élu. Y a pas, en fait, on est délégué parce qu'on se sent, tu disais, capable de pouvoir représenter le collectif. Donc, je trouvais ça intéressant, en fait. De sortir de la question du elle a ni c'est t'es pas désigné et t'es pas élu non plus, c'est juste une personne qui prend la responsabilité de parler au nom de parce qu'elle s'en sent capable. Ouais. Je trouve ça une belle c'est ouais. Une belle définition du délégué. Ouais, c'est une bonne chose parce que à la base et au collectif, quand tu te sens capable de défendre des autres, parce que c'est pas tout le monde qui a du courage de parler devant des gens. Avoir du courage de parler devant des gens, donc c'est pas une chose facile en fait. C'est vraiment une chose parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à parler devant des gens pendant qu'ils ont beaucoup de choses à dire. Mais vu qu'il y a beaucoup de têtes des gens, ils n'arrivent pas. Il y a des autres collègues aussi qui ont des difficultés de la langue. Donc ça limite forcément. Ça limite forcément parce que tu n'as pas vraiment l'expression en fait. Donc, tu as beaucoup de choses à dire, mais ça ne passe pas. Mais au collectif, il y a des interprètes. Donc, on interprète toutes les langues. Donc, même si tu parles quelle langue, il y aura un jeune qui connaît bien français et puis connaît aussi la langue que toi, tu connais là. Si tu parles, lui, il va être là pour traduire. Traduire. Du coup, vous êtes plusieurs langues. Combien de langues vous êtes environ? Des dizaines. Des dizaines, mais la langue... La plus parlée du collectif, il y a donc plein de jeunes qui parlent Bambara, Wolof. Je ne sais pas si vous connaissez ces langues. Ouais, Wolof, c'est vers le Sénégal, Bambara, le Mali, non? Ouais, Bambara. Il y en a beaucoup, et nous on parle Lingala, mais vu que presque beaucoup pas mal de Congolais parlent pas mal aussi français. Pour eux, ce n'est pas vraiment trop grave. Il y a aussi des autres qui parlent des portugais. Il y a plusieurs, il y a des autres qui m'ont échappé encore, mais sinon, il y a vraiment des langues collectives. On va faire une petite pause musicale et on te retrouve tout à l'heure pour la suite musique. Vous êtes toujours sur 106.3. La policía te está extorsionando. Dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz. Uh-huh. Y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia. A esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo. Porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo. Gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial. Somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame todo el poder. Dame, dame, dame, dame todo el power. Dame, dame, dame, dame todo el poder. no hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Si nos pintan como unos huevones, no lo somos. ¡Viva México, cabrones! Que se sienta el power mexicano, que se sienta todos juntos como hermanos, porque somos más, jalamos más parejo. ¿Por qué estar siguiendo a una bola de pendejos que nos llevan por donde les conviene? Y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente. Ese pan es el pan de nuestra gente. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame, dame el poder. Dame, dame, dame todo el power. Dame, dame, dame, dame el poder. Dame, dame, dame todo el power. Dame, dame, dame, dame el poder. Dame, dame, dame todo el power. Dame, dame, dame, dame el poder. Dame, dame, dame todo el power. El pueblo unido jamás será vencido. El Tito y el Guido jamás será vencido. Dame, dame, dame, dame el poder. Dame, dame, dame todo el power. Dame, dame, dame, dame el poder. Dame, dame, dame todo el power. Dame, dame, dame, dame el poder. Dame, dame, dame todo el power. FPP 106.3, c'est la jungle des luttes, on continue, on est avec Glody, un délégué du collectif des jeunes du parc de Belleville. Donc du coup, bah voilà, voilà la situation, c'est toujours aussi dur de pouvoir donner un toit digne aux jeunes mineurs isolés, de leur fournir de quoi avoir une vie digne, donc ça veut dire aussi la santé, comme on le disait, les passes Navigo. Et donc, justement, comment on peut vous aider, comment on peut vous rencontrer, peut-être que tu peux nous dire un peu votre fonctionnement, puisque j'imagine que vous avez des réunions régulièrement. Ouais, pour nous rencontrer, c'est pas difficile, parce que chaque mardi de semaine, on a la GA République. Donc, à la Bourse du Travail. À la Bourse du Travail à République, là, métro 9. Métro 9, on commence de 7h jusqu'à 20h. Donc, c'est vraiment la gilet libre. Donc, tout le monde a droit de venir, tout le monde a droit de participer, tout le monde a droit de prise de parole. Donc, là, vraiment, on accueille tout le monde, même si c'est la première fois d'être avec nous. Mais, donc, à notre âge, vraiment, tout le monde a l'expression de dire ce qu'il veut, ce qu'il a remarqué, s'il a aussi des idées ou bien des conseils. Donc, on est vraiment là ouvert pour tout le monde. On a aussi des comptes Instagram sur les réseaux sociaux. Si vous voulez savoir encore plus du collectif. Peut-être que tu peux les donner, du coup, pour que les gens ils puissent. Ouais. Sur Instagram, c'est les jeunes du parc de Belleville. Collectif des jeunes du parc de Belleville. Là, sur Instagram. Donc, si vous écrivez comme ça sur Instagram. Vous allez voir du tout à propos du collectif. Mais sinon, si vous voulez venir aux AG, c'est à Bourse du Travail, à République, métro 9. Tous les mardis à 17h. Tous les mardis à 17h, 00, et puis à 20h. Jusqu'à 20h. Ouais. Et du coup, là, les personnes peuvent venir éventuellement proposer de l'aide, du soutien, comme tu le disais. Ça peut être du soutien matériel, psychologique, juridique, etc. Vous avez déjà, vous êtes organisé en tant que collectif, vous avez des gens qui vous aident sur des points peut-être plus pratiques au niveau juridique ou pour la trésorerie, si vous recevez des dons par exemple, ou Comment ça s'organise concrètement, du coup, votre collectif à l'intérieur, à part votre réunion de 17h, du coup, il y a aussi, j'imagine, d'un mardi à un autre, des choses qui se passent. Ben, si, par exemple, il y a du soutien qui veut soutenir du collectif, comme vous venez de dire, matériellement, physiquement et tout, donc il y a des soutiens, il y a aussi des délégués. On peut discuter à côté ou bien devant tout le monde. Si vous avez des idées ou bien des propositions pour les aides, donc y aura des gens qui sont mieux placés pour développer avec eux. Donc ça va très bien se passer. Et du coup, vous êtes que des jeunes garçons dans ce collectif ou il y a aussi des jeunes femmes, des jeunes filles? Avant, il y avait des jeunes femmes aussi, il y avait des jeunes filles. Mais pour l'instant, il n'y a que vraiment des garçons. Elles ont peut-être réussi à peut-être plus facilement à trouver un logement, un hébergement, peut-être, non? Ouais. Parce qu'en général, les filles, on essaye de les placer plus facilement. Plus facile, ouais, c'est enfin, ça. Plus vite, plus rapidement. Mmh. Du fait d'être encore plus vulnérable quand on est une fille dans la rue. Ouais, c'est à cause de ça qu'il y a plein de garçons collectifs parce que. Les filles, vraiment, donc, elles ne sont pas vraiment trop... Elles ne traînent pas trop comme nous, les garçons, en fait. Normal, ouais. Normal, ouais. C'est pour compliqué, ouais. Ouais. C'est trop compliqué pour elles. C'est pour cela, au collectif, il y a beaucoup de garçons. Et du coup, vous réussissez à organiser une solidarité aussi entre vous. Vous arrivez à vous organiser, mais du coup aussi à être solidaire entre vous. Enfin, entre vous, je voulais dire... En dehors du collectif, est-ce que vous réussissez du coup à aider des personnes qui ne sont pas dans le collectif? Est-ce que vous arrivez à avoir des liens avec d'autres jeunes, ouais. Si vous voulez dire? Oui, oui, oui, bien sûr que oui. Donc ce n'est pas seulement les gens des collectifs qui méritent d'être aidés, mais c'est tout le monde. Parce que... Du collectif, il y a presque des jeunes qui sont trop à Pont-Marie, vu qu'il y a d'autres campements que des jeunes se couchent et tout. Mais la majorité, c'est à Pont-Marie que des têtes des jeunes qui sont un peu nombreux au collectif. Mais malgré ça, il y a des autres jeunes, même si tu es nouveau. Par exemple, tu peux rencontrer un compère d'ailleurs, il ne sait pas là où aller. Directement, tu vas lui rencontrer le collectif, parce que le collectif des Pâques de Belleville sont vraiment là dispo pour les jeunes. Donc les collectifs aident presque tout le monde. Pas presque, mais aident tout le monde. Que tu sois du collectif ou non du collectif, si tu as un problème, tu vas avoir des soutiens, tu vas rencontrer tes besoins, tes soucis. On va t'aider. On va t'aider, donc, même dans les conseils, même financièrement, parce qu'un mineur n'a pas vraiment droit... de toucher l'argent et tout, mais si tu as des problèmes financiers, s'il y a une chose qui te manque, comme ça, une chose te manque, on peut aller, on te donne. Ce n'est pas seulement les gens du collectif, même des autres qui sont loin du collectif, même des autres qui sont loin de Paris, tous, on est pareil, on est égal. Bon, bah merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas, du coup, demain à vous rendre, ou alors mardi prochain ou celui d'après encore, de vous rendre à la Bourse du Travail, au métro République à Paris. Donc, à la Bourse du Travail, il y a la réunion hebdomadaire. Donc, vous pouvez les soutenir et ça peut prendre, donc, comme vous l'avez entendu, plusieurs formes. Merci pour eux, merci à toi pour ta présence et toute la solidarité que tu peux apporter aux autres. Et on continue, nous on essaye aussi de vous suivre comme on peut aussi, de loin, mais toujours un petit peu. Et de manière à pouvoir, en tous les cas, vous réinviter pour suivre un petit peu et redonner des nouvelles et redonner l'envie aux gens de venir vous soutenir, parce que du coup, précisément, il y a quand même plusieurs collectifs, quand même, vous, qui réussissez à être organisés. Mais il y a énormément de jeunes qui sont quand même dans l'errance, hein, qui sont seuls et qui, du coup, là, vous, quand tu parles du Pont-Marie, vous êtes vraiment très, très, très nombreux là-bas. Donc, c'est aussi un petit peu hallucinant, parce que du coup, il y en a à qui ça... Enfin, que ça effraie. Le fait, enfin, je parle de jeunes, hein, qui cherchent qui cherchent du coup un peu à s'héberger quelque part et qui du coup craignent aussi des fois, ça peut être aussi un peu violent. Des fois, là, le fait que tout le monde soit précaire et tous les uns sur les autres, du coup, il y a des fois des réactions. Ça, vous arrivez à le gérer aussi, vous ? Ou toi, t'as déjà... Parce que j'ai déjà entendu des fois, il y en a qui te volent ton truc pendant que tu dors, etc. Bon, c'est un petit peu compliqué, la vie aussi. Mais du coup, vous êtes peut-être organisé, non ? Avec des tours, quand vous quittez votre campement, il y en a qui gardent ou qui gardent pas les affaires. Ou vous gérez comment, ça, ce genre de... Parce que c'est pas évident. Là, vraiment, donc... Bon, enfin, toi, maintenant, t'as eu la chance d'être hébergé, mais du coup, quand tu y étais, quoi, du coup, ça se passait comment, en fait, concrètement ? Ben, on arrive toujours à gérer parce qu'on a fait déjà une famille. En vrai, vrai, on a déjà fait une famille. Donc, parfois, on peut... Donc, c'est aussi hasard. C'est rarement, parce que chacun, vu qu'on dort dehors, parfois, si les matins comme ça, quand on se réveille et tout, donc on prend notre truc, chacun fait son petit sac, il garde quelque part. Si tu as, par exemple, tu as un stylo bien marqueur, tu écris ton nom pour que... On puisse s'y retrouver un petit peu, savoir à qui pour c'est. Pour que tu trouves facilement, pour que ça ne crée pas des discussions ou bien des... C'est le tien, c'est le mien. Compris. Ouais, c'est ça. Parce que les teintes sont presque pareilles, c'est la même couleur. Donc, c'est un peu seulement des couvertures qui différencient. Que, non, là, c'était à moi. Mais les disquites, là, ça ne manque pas parce qu'on est des humains. On est des humains, parfois, il y a des incompréhensions. Mais malgré tout ça, on essaye toujours à gérer nous-mêmes parce qu'il y a la rue, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. On est tous des enfants. Donc, par exemple, si l'autre, ça ne passe pas bien, ça ne marche pas. Donc, c'est seulement nous, les copains, les collègues qui vont gérer. Non, il faut... Faut pas faire comme ça, frérot. Donc, il faut se calmer. Donc, même s'il a fait mal, donc, cherche une place de pardonner. Donc, c'est pas important de suivre jusqu'au début, comme ça, jusqu'au fond. C'est pas très important. Donc, vous voyez qu'on est dehors, on est en train de galérer. Et puis, vous voulez encore jeter des trucs. Rajouter des problèmes au problème. Des problèmes, c'est problème. Ça va pas nous arranger, en fait. Faut éviter des problèmes, même si... Il t'a choqué, même s'il a fait une chose là, donc tu n'arrives pas à gérer ou bien à s'y porter. Au moins, cherche la tranquillité, cherche un bon cœur pour comprendre. Et puis, ça va passer, ça ne va pas rester pour toujours. Même s'il a fait une chose là qui n'était pas content, ça ne va pas s'écrire dans ton front qu'il a fait quelque chose. Donc, si tu racontes à personne, personne ne va savoir qu'il y a un truc qui vient de passer chez toi. Donc, on s'arrive à se gérer parce qu'on a vraiment, comme je viens de dire, on a créé vraiment une vraie famille. Parce que, par exemple, s'il y a la nourriture, il y a des autres qui n'ont pas mangé, on mange ensemble. Frérot, vas-y, venez à la nourriture ici. Si on voit qu'il y a une place là, on partage la nourriture, qu'il y a des autres qui ne sont pas au courant. On a des groupes, WhatsApp et tout, on forme, il faut passer comme ça, il y a la nourriture et tout. Il faut passer comme ça, il y a des couvertures. Donc, on a vraiment créé une famille comme... Une vraie famille comme de père et de mère, en fait, comme une famille biologique, mais c'est une famille qu'on a croisée à la rue et tout. Mais il y a l'amour parce qu'on sait là où on vient et puis on sait là où on suit. Donc, c'est pas important d'avoir un mauvais cœur pour les autres. Parce que toi, tu es dans la galère, moi aussi, pareil comme toi. Comment je peux avoir encore un cœur de te voler une chose ? Donc, là même, Satan, le diable, il va pas être content avec moi. Donc, c'est vraiment... Merci pour ton témoignage. Et ben voilà, on reste sur ces belles paroles. Et ben, on fait une petite pause musicale et on va passer au Mexique tout à l'heure. Enfin, après la pause musicale et on se reverra bientôt. Plein de bonnes choses à toi, de la chance et de la force comme tu as déjà. Merci. Merci. Se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya mía. Levantarlos para desollevar, ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco. Venezuela, Guatemala, Nicaragua, Mozambique, Costa Rica, Camerún, Congo, Cuba, Somalia, México, República Dominica, Tanzania, fuera, Yanqui de América Latina, franceses, ingleses y holandeses, yo te quiero libre, Palestina. الوضع بده الرضع صار الوضع بده الردع لكل السيد بتحرر مستوطن بتلمت لكل مصافحة يد ألف كان ألف رقب الهدار الإعلام سلاح مطيب فبركوت أما لما ألمي يدي برجع الواقع كما Catrileo al mapo, mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Carrito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. En 6.3 FPP, on est toujours dans la jungle des luttes avec notre copine Malo qui revient du Chiapas. Enfin, du Mexique, mais surtout du Chiapas, parce qu'on va surtout parler du Chiapas. Et puis, bah, du coup, justement, voilà, un petit récit de voyage, ça fait du bien. Un peu. Après, on parlera peut-être plus sérieusement des propositions zapatistes et tout, avec tout ce grand projet depuis 30 ans. Pour ceux qui ne connaissent pas les Zapatistes, ils se sont soulevés le 1er janvier 1994. Paysans indigènes qui ont dit stop, ya basta, ça suffit. Une alternative au capitalisme. Et donc pour ça, il faut s'organiser en bas à gauche. Et donc, on ne va pas refaire l'histoire. Hein. Mais du coup, vous pouvez chercher sur le site du CSPCL des informations. Si vous parlez espagnol, vous pouvez aller sur le site de NLAC Zapatista. Mais donc le CSPCL, sur notre site, on a beaucoup de documents et donc ça vous permet de pouvoir vous familiariser avec l'histoire des Zapatistes et connaître un certain nombre de textes. Et puis justement, vous apercevrez que les Zapatistes font énormément de rencontres et prennent beaucoup d'initiatives, toutes originales. La première en 96, ils avaient refait une rencontre qui s'intitulait « Rencontre des peuples du monde ». C'était l'intergalactique, enfin, intergalactique, on n'avait jamais entendu ça. Enfin, du coup, ça interpellait. Et puis, ils ont fait des festivals qui s'appelaient Conciencia avec des jeux de mots qu'on partait. Enfin, bref, du coup, voilà, plein de. Et puis, donc, il y a eu des dernières rencontres. Et donc, on en parlera après, le petit récit de voyage. Et donc, raconter un peu où on en est sur la situation au Chiapas de manière générale. Mais donc, voilà, il y a eu un soulèvement il y a plus de 30 ans. Et puis, il y a eu beaucoup de progression en termes d'autonomie et d'organisation au niveau du Chiapas, des communautés zapatistes, mais aussi partout ailleurs dans le Mexique, pas seulement des communautés des peuples autochtones, des peuples indigènes, mais aussi d'autres collectifs de part et d'autre. Et donc, du coup, il y a plein de choses, c'est très très riche au Mexique. Et donc, au Chiapas, Malo, tu y étais il n'y a pas longtemps, et donc raconte-nous un petit peu, c'était la deuxième fois que tu y allais. C'est ça. Donc, tu as vu des choses nouvelles, aussi des changements peut-être, ou on regarde autrement des fois la deuxième fois. Exactement. Mais donc, du coup, je te laisse peut-être nous raconter ce que tu as envie de partager avec nous. Bah merci déjà pour cette introduction qui donne envie de découvrir plus pour ceux et celles qui ne connaissent pas tant le mouvement. Moi, effectivement, du coup, c'est la deuxième fois que j'allais au Chiapas. C'était la première fois, du coup, il y a un an et demi. Donc là, j'ai retourné aussi pour plusieurs mois dans un autre contexte, le premier plutôt académique, dans le sens où j'y allais pour un stage. Et puis, il y avait aussi toute la découverte du territoire. De manière physique et géographique en étant au cœur du Chiapas. Donc là, assez différent, en connaissant déjà le territoire, en ayant ses marques, mais toujours avec l'envie d'approfondir. Il y a toujours trop de trucs à connaître en plus, de personnes à rencontrer, d'endroits à découvrir. Bon, voilà, cœur de lutte, le Chiapas, donc toujours plein de choses à savoir. Et donc, notamment à travers le réseau de solidarité francophone, à travers Échange solidaire, le CSPCL, j'ai pu aller rencontrer les camarades de la coopérative Yachil, la coopérative de café. Café Zapatiste. Ouais, Café Zapatiste, évidemment. Donc des compas qu'on achète et qu'on vend, notamment par Échange solidaire à Paris et dans d'autres collectifs en France. D'ailleurs, c'est l'époque des commandes, des précommandes. Hein, donc, chaque année, les personnes précommandent leur café. Là, en fait, là, en réalité, c'est la récolte là-bas déjà. Par contre, le temps qu'il arrive jusqu'à chez nous, il va falloir 6 mois entre. Il va falloir qu'il le récolte, mais après, il faut le faire sécher, il faut le nettoyer. Ensuite, il faut qu'il passe à la maquila, qu'il trie les tailles de café, etc. Donc, la qualité. Et ensuite, seulement, il va être emmené à Veracruz, au port, et donc là, il va falloir qu'il voyage, puis qu'il soit dédouané, etc. Enfin, ben, bref, un petit périple du café. Et donc, justement, on a besoin, nous, de pré-vendre, de manière à payer 60% de notre commande aux apatistes au moment où ils récoltent, puisqu'ils ont des frais à engager. Et donc, ça nous permet de les pré-ventes nous permettent de donner ces 60%... au moment de la commande au producteur. Et donc, du coup, bah, Yachil, c'est l'une des plus grandes coopératives qui existe, puisqu'elle est dans la région de Saltos, qui est la région qui est typiquement faite pour le café, puisque ça pousse en altitude. Ouais. Donc, tu as eu la chance de les rencontrer. Rencontrer à plusieurs reprises, autant aussi bien dans leur siège, entre guillemets, du coup, de la coopérative aux alentours de San Cristobal, jusqu'à la parcelle de café. Dans Los Altos. Et donc ouais, c'était l'occasion de les rencontrer, d'en connaître un peu plus, parce que certes, on sait d'où vient le café quand on achète le café Zapatiste et qu'on le boit, on sait d'où ça vient, par qui. Mais bien de voir ce que c'est un cafétal. Et de se retrouver voilà, à la parcelle devant les grains de café qui vont bientôt être récoltés avec un des producteurs et plusieurs compas de la coopérative, c'est d'autant plus clair, quoi. Donc, et donc mieux aussi comprendre leur organisation, revenir un peu sur la création de cette coopérative. C'est toujours plus clair quand c'est eux et elles qui nous le racontent que quand on l'entend d'ici. Donc, pour moi, c'était surtout l'occasion de ça, donc revenir sur leur création en 2001-2002. Ils m'ont raconté voilà, qu'au début, c'était 8 producteurs en fait, qui ont commencé à s'organiser entre eux. Donc, au début, c'était vraiment peu. Et avec une réelle difficulté d'obtenir en fait, la licence pour exporter en tant qu'indigène du Chiapas. Donc, beaucoup de barrières. Ils ont réussi à obtenir cette licence. Et donc là, on commençait à diffuser, essayer de faire entrer beaucoup, beaucoup plus de producteurs, 10, 20, 30, 40. Et jusqu'à aujourd'hui, la coopérative Yachil, elle rassemble 437 producteurs, productrices sur 8 municipios, donc 8 communes, cantons, dans Los Altos. Donc c'est quand même énorme quand ils sont partis de 8, quoi. Donc voilà, donc sur la parcelle, pour connaître un peu tout le processus, en sachant que moi, l'année dernière, j'étais au Chiapas pour un stage aussi un peu dans l'agroécologie, etc. Donc moi, j'avais des milliards de questions. Et ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, le producteur de café, le compa, pensait que ça allait grave m'ennuyer de comprendre tout le processus et plus les moyens techniques et tout. Donc toutes mes questions, en fait, il écourtait ses réponses en se disant « Mais en fait, elle va trop s'ennuyer, elle n'a pas envie de savoir ça. » Et donc j'ai dit « Non, j'aimerais bien qu'on s'éternise un peu plus, en fait. » Donne les détails. Donc voilà, c'était très chouette. Et donc après, on a aussi été amené à aller voir la réserve et où est-ce qu'ils processent tout le café. Puisque donc là, comme tu l'as dit, la période de récolte, c'est entre novembre jusqu'à janvier, décembre-janvier. Et donc là, Et... Ouais, ça ouais, c'est pour ça. Les altos. Voilà, c'est et ça. Justement, on a d'autres. C'est pour ça qu'il y a un petit décalage de ceux qui sont en plus basse altitude. En général, ils récoltent du coup un peu plus tard, plutôt janvier, février. Exactement. Début voilà. Mars. C'est ça. Et du coup, là, tout le processus va commencer en février. Donc, tout est corrélé avec les commandes et tout, jusqu'en juin et l'export, etc. Donc, en Europe, c'est livré à 8 pays. Ouais, 8 pays. Enfin, dans 8 pays ouais, avec 8 collectifs, mais de différents pays. Exactement. Et je crois qu'il n'y en a qu'un seul aux États-Unis. Ils exportent aussi encore là-bas. Mais donc, la majorité, Café Solidaire, du coup, destinée plutôt à l'Europe. Donc voilà, et du coup, bah, en fait, juste discuter avec eux et aussi comprendre un peu la nécessité de cette coopérative, en tout cas dans leur quotidien. Et donc, pour eux, ils m'ont expliqué que c'est juste un prix stable, il n'y a pas cette histoire d'intermédiaire, puisque du coup, au Chiapas, il y a des coyotes, comme on appelle, qui vont donc acheter le café à un prix dérisoire au producteur, le revendre à un prix exorbitant et du coup se faire une marge de fou sur le dos des producteurs et des productrices. Donc, il n'y a aucune question d'intermédiaire, c'est de l'achat direct avec des prix stables, pas d'arnaque sur les contrats. C'est une stabilité quoi, et une sûreté et en plus une solidarité. Et moi, j'avais noté la phrase d'un compas qui m'avait dit et que je trouve... qu'elle résume un peu tout, qui m'a dit en fait les consommateurs et consommatrices font partie de notre lutte, tout comme les producteurs et les productrices, et à travers notre culture de café, c'est notre combat et nos idées qui s'exportent et se diffusent. Et voilà, en fait, on a fini la discussion face aux montagnes du Chiapas en me disant ça, et je trouve que, je sais pas, ça résume tout, acheter du café. Mais c'est un peu aussi ce qu'a été le sens de l'échange solidaire quand ça a été créé, ça a créé une petite... dissension au sein du collectif, puisque au sein du collectif du comité, enfin du CSPCL, du comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, là, donc au départ, à l'époque, dans les années 2000, quand il y a eu l'idée qui a émergé, il y en a qui n'ont pas compris pourquoi on allait se mettre en situation de devenir des commerçants. Parce qu'effectivement, du coup, hein, il va falloir faire des contrats, il va falloir gérer les TVA, etc. Mais du coup, nous, on pensait que le jeu en valait la chandelle, à savoir, un, d'abord, on essaie de sortir d'un commerce marchand. Et donc, du coup, l'idée aussi de pouvoir acheter directement au producteur, déjà, ça, c'est pas une idée qui nous est très étrangère, quand même, acheter directement, éviter les intermédiaires, c'est une base. Et aussi connaître ceux qui produisent, donc du coup, aller à la rencontre. Et du coup, c'est aussi un moyen... d'être en vraie solidarité concrète, puisqu'ils sont la plupart producteurs de café. Enfin, la plupart, c'est-à-dire dans la zone des Altos, ils sont producteurs de café quasi à 100%, ou en tous les cas, c'est de ça qu'on vit dans Los Altos. Et depuis plusieurs générations. Après, du coup, ça, et donc ça avait créé un petit quick au sein du CSPCL, parce que oui, du coup, c'est vrai que c'est plus la même démarche qu'être, comme on est le comité, une assemblée ouverte qui diffuse de l'information, qui crée du lien entre des luttes, mais qui du coup, donc c'est pour ça que le CSPCL et Échange Solidaire, c'est les mêmes gens, mais du coup, Échange Solidaire, c'est une structure, donc c'est les mêmes gens, mais avec une structure qui a été créée spécifiquement pour justement acheter ce café, ce qui nous permet en réalité... aussi donc d'avoir justement cette possibilité d'être sur un autre marché. Quand on voit qu'on est donc justement avec plus de 400 familles, parce que t'as un producteur, mais derrière en général t'as une famille. Donc il y a plus de 400 familles pour 7 coopératives, mais il y a 3 autres coopératives, trois coopératives en tout. Et donc ça fait des plus de 1000 familles au total qui vivent grâce... un commerce complètement sorti de celui des coyotes, puisqu'ils vendent toute leur production à ces collectifs européens, etc. Donc ça, du coup, c'est en ça que c'est important aussi, parce que du coup, nous aussi, on peut les rencontrer. C'est aussi une façon d'être aussi, de connaître la réalité quotidienne, quoi. Parce que du coup, quand il y a des rencontres, on connaît la pensée politique, ou alors leurs œuvres de théâtre qu'ils peuvent présenter, etc. Mais du coup, le quotidien, il y avait eu la petite école, justement, cette fameuse expérience initiative des apatistes, où là, on vivait au quotidien, dans le quotidien. Mais sinon, donc, le café, c'est un moyen aussi de pouvoir comprendre comment on vit au quotidien, parce qu'on les rencontre. Et le côté pratique, au jour le jour. Et voilà, et du coup, bon, ben, c'est très contente que tu aies pu les rencontrer. Parce qu'à force, justement, ça finit par être des 20 ans, qu'on, plus de 20 ans hein, que Échange Solidaire. Je crois que la première année, c'est 2001, si je ne me trompe pas, ou au pire, c'est 2002. Mais enfin, du coup, ça fait plus de 23 ans. Dès le début, 23, en fait, de la création. Et donc, du coup, ouais, avant, il y avait une autre coopérative. Mmh. Avant, il y avait une autre coopérative et c'est les Allemands qui, les premiers d'Europe, ont initié l'achat du café. C'était une coopérative Moudwitz qui avait dû se dissoudre. Et donc, du coup, là maintenant, c'est une autre coopérative, Yatil. Et puis, cette rencontre, elle se fait dans les deux sens parce que... Et ça veut dire quoi, Yatil ? Ça veut dire nuevo, en nouveau, du coup, en langue maya celtale. Voilà, parce que je l'avais oublié, parce que Moudwitz, la montagne aux oiseaux, ça, je m'en rappelais très bien, mais Yatil, je ne savais pas. Peut-être pas, ni plus. Voilà, petit rappel. Donc, nouveau. Et oui, non, j'allais juste dire que du coup, cette rencontre, elle est aussi dans les deux sens. Aussi bien nous, de, du coup, de les rencontrer, comme tu disais, voir aussi le côté, le quotidien, etc. Et en fait, pour eux aussi, c'est... Ah bah oui, ils sont peut-être tellement contents. Des noms, des mots derrière Échange Solidaire, derrière tel comité, derrière tel tant de kilos de café qui va où. Et du coup, ouais, c'est vraiment un échange dans les deux sens. Donc, c'est toujours très sympa, en effet, d'aller les rencontrer. Et du coup, justement, toi, à Saint-Christobal, tu as aussi pu suivre de près ce qui se passe avec Rounach, là, un lieu d'accueil où donc tu es allé. On vous en avait déjà parlé puisqu'on avait fait un concert en solidarité avec Rounach, qui est donc justement une maison qui accueille et qui donc était en difficulté. Je te laisse un peu nous raconter, nous donner des nouvelles, un peu de voilà, rappeler ce que c'est le lieu. Ouais. Du coup, la Casa Rounach, c'est donc une maison qui a été créée il y a plus de 30 ans à l'origine, donc quasiment en même temps que le soulèvement zapatiste. Et donc à l'origine, cette maison, elle était ouverte pour offrir un lieu sûr, un toit, un lieu de confiance pour les communautés en résistance qui descendaient donc à San Cristobal, par exemple, en 96 pendant les négociations avec le gouvernement et qui ne pouvaient pas rentrer de nuit jusque dans leur communauté. Donc, ça leur permettait d'avoir un toit et un endroit pour dormir. Et donc, au fur et à mesure, cette maison s'est aussi ouverte du coup d'abord aux militants mexicains nationaux et puis ensuite petit à petit aux militants internationaux. Et donc Rounach est devenue une association civile qui est du coup aussi connue sous le nom de Centre de volontaires Rounach et qui donc accueille des personnes solidaires qui viennent séjourner au Chiapas en vue d'une certaine solidarité, qui viennent appuyer une lutte, un collectif, une association du Chiapas et qui donc peuvent séjourner dans cette maison. À travers une apportation du coup solidaire à la nuitée. Et donc ce qui se passe, c'est qu'en effet cette maison, elle rencontre pas mal de difficultés, notamment financières, pour plusieurs raisons. Ouais. Donc déjà on constate quand même une baisse de présence dans la maison qu'on peut un peu corréler avec une baisse de la solidarité internationale en général, avec le mouvement zapatiste aussi. Et en fait, il y a un peu un effet miroir. Il y a eu aussi surtout le Covid qui a créé une sorte de rupture, en fait. Il y a eu la rupture et les zapatistes qui se sont fermés. Donc, on n'a pas pu aller à leur rencontre pendant 2 ans. Donc, les gens ne sont pas venus de fait puisqu'on ne pouvait pas avoir de lien ou suivre des projets puisque tout était stoppé. Exactement. Surtout depuis la pandémie. Ça a eu du mal à redémarrer. Plus après, oui, puisque après, les apatistes sont eux venus. Ouais. Donc, du coup, pas la peine d'aller là-bas parce qu'ils viennent. C'est ça. Donc, ça a créé quand même 3 ans de suite sans trop, effectivement, de solidarité. Exactement. Et après, on perd le fil, du coup. Enfin... Et on perd le rythme. Et en fait, ouais, tout est corrélé parce que là, quand il y a des rencontres internationales comme il y a eu au mois d'août, par exemple, voilà, la maison se remplit d'un coup. S'il n'y a plus de rencontres, il n'y a plus personne. Donc bon, il y a un peu ce rythme-là qui est assez compliqué. Et puis bah aussi tout un contexte hein, politique, économique qu'on connaît actuel qui rend aussi compliqué les séjours là-bas. Une certaine conscience aussi écologique où on se rend compte que on ne part pas du Mexique. On ne peut pas prendre tout le temps, prendre l'avion voilà. Tout le temps, tous les ans. Enfin, moi, je l'ai fait pendant des années, mais du coup, c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu te dis, ouais, c'est un truc de dingue, quoi. En plus, ça devient de plus en plus cher. Oui, voilà. C'est, voilà. C'est sur, enfin... économique, écologique, politique. Et puis, bah, aussi, tout simplement, la gentrification de San Cristobal, où tous les loyers augmentent énormément. Il faut savoir que Ronage, du coup, dépend d'un propriétaire qui loue cette maison. Et donc, tous les ans, on voit le loyer augmenter, ou en tout cas, le propriétaire menace d'augmenter. On arrive à négocier pour une année, mais on sait qu'une année plus tard, rebelote, il va falloir se battre pour ne pas avoir un loyer exorbitant. Donc voilà, donc il y a beaucoup de difficultés financières et c'est un peu l'enjeu principal d'essayer un peu de sortir déjà de ce système-là, de dépendre d'un propriétaire qui s'enrichit en fait sur notre dos, qui n'en a rien à faire en plus du projet social. Donc il y a un peu cet enjeu-là. Et puis aussi, raviver cette solidarité, refaire revenir des gens. Acheter une maison en fait. Voilà. Pour pouvoir avoir un lieu véritablement autonome à nous et exactement c'est ça de solidarité donc en tout cas voilà s'il y a l'idée du coup d'aider le projet Runash bah déjà c'est d'y aller quand vous êtes au Chiapas plutôt qu'aller dans une posada d'abord ce sera cher déjà exactement en plus. Carrément. Donc, contactez Ronage pour loger là-bas, en tout cas si vous y êtes pour un certain temps et dans le but d'appuyer les luttes de là-bas. Aussi, les contacter via sur leur site internet, donc c'est Casa Runash, J-U-N-A-X. Vous avez le moyen de contact et plein d'infos. L'adresse mail, c'est... je ne vais pas vous la dire, parce qu'en fait, je ne la connais pas. Donc allez sur le site internet de Casa Runash et bah, sinon vous pouvez aussi contacter le canal d'info sur la page Instagram qui s'appelle Graines Apatistes, demander des informations et puis on vous donnera des détails pour en tout cas faire des dons financiers à la maison. On va faire une petite pause musicale et puis on va reparler un petit peu de l'actualité au Chiapas et des dernières infos. Musique. Que nos liens perdurent comme les rats. Dans mes rêves, je voudrais que tout le monde le voit avec nos yeux. Mais je veux pas que mes proches aient trop peur pour moi. Ouais, ces bâtards veulent vraiment nous tuer. Nous, ça fait longtemps qu'on le sait. Cauchemar de père qui se tous les trois jours. Et j'arrive même pas à souhaiter leur mort. Mes potes me disent, c'est pas moi qui ai tort. Et mettre grand manteau pour braquer les cartes. Dans mes rêves, on arrête de me traiter d'utopiste. Dès que je dis que ce monde rend trop triste, que je voudrais renverser l'échiquier. Et que tant que je vivrai, j'essaierai. De mes yeux, j'ai vu des images magiques. Des feux de joie sous le nez des flics. Des humaines riches de leur courage. Et de l'amour donné en plein carnage. Alors rien à foutre d'être utopiste. Le sens de ma vie, faire rager les fascistes. C'est pour ça j'ai toute une mif à mes côtés. Avec qui faire de nos rêves des réalités. Dans mes rêves, on resterait là sans se prendre la tête. Laisserait tranquille ceux qu'ils appellent bêtes. Renverser les rôles de ces piques à assiettes. Ce rêve au final c'est notre quête. Dans les calculs seraient erronés. Les drones disparaîtraient des champs de bataille. Les bruits dans le ciel ne feraient plus peur aux gosses. Et sur la terre arrêteraient de rogner. Dans mes rêves, je fais des cabanes dans des endroits chouettes. Ici, viens bon, pas nous chercher, t'inquiète. On veut des hameaux, des naissettes dans les arts. Et plus jamais entendre leurs arts. Je fais des cabanes dans des endroits chouettes. Ici, viens bon, pas nous chercher, t'inquiète. On veut des hameaux, des naissettes dans les arts. Et que nos liens perdurent comme les rats. Dans mes rêves, tous mes problèmes sont des t'inquiètes. Révolution, c'est le son de la quête. Les potes sont dans potion sans arrêt, dans poisson sans arrêt, un pochon dans l'arrêt. Hey, pas si violent, envie de meurtre des fois. La police, tu faire pareil sur eux, pourquoi pas. Si un keuf me tend la main, je lui arrache le bras. PLP m'attend pas, tire tendu matin. J'ai plus de rêve depuis que les chaînes jaunissent en été. Je brûlerai cette société si elle fait tout péter. Je fais gratin dauphinois avec la tête d'un RT. Désolé, je sais plus quoi faire pour leur dire de s'arrêter. Je regarde en haut les branches grouvées et chaloupées. Je griffe comme un puma si tu piques l'anxiété. Quand on aura retrouvé toutes leurs adresses, on pourra faire de jolis feux de joie spontanée. Mes rêves, les mais jusqu'un peu encore aux arts, parce qu'elles n'ont pas perdu leur âme d'enfantillage. Cesse les pillages de cœur, de respect, de sens et de valeur. Trop de théâtre dans ce qu'elles appellent justice. Force de l'ordre et parquet sont bien trop complices. Continuez nos bêtises, nos crans sautent dans le vide, parce que peut-être qu'au bout y a la paix sans leur sottise. Dans mes rêves, je fais des cabanes dans des endroits chouettes. Ici viendront pas nous chercher, t'inquiète. On veut des hameaux de ménestrels dans les arts et plus jamais entendre leurs armes. Je fais des cabanes dans des endroits chouettes. Ici viendront pas nous chercher, t'inquiète. On veut des hameaux de ménestrels dans les arts et que nos liens perdurent comme les rats. C'était pas dans mes rêves, on l'a vécu, on regarde la vidéo. Je crois qu'on avait pas anticipé ces cauchemars. Quand c'est mes plaies, maintenant c'est bien plus gros. Mode de jeu facile si je leur disais au revoir. Je fais des cabanes d'enfants sous la couette. Y'a pas de consigne, ouais, je peux faire un bête. Je pétine en moi, petite graine autoritaire. Envie de briser cette chaîne d'infinité. Je veux briser leur silence, les voir monter sur la potence. Je veux cracher sur l'ego des puissances et que la colère soit ma transe. Dans mes rêves, je me réveille et c'était juste un rêve. Je vois les racines se libérer de leurs chaînes. Les fissures emballent leur peine. Dans mes rêves, je suis matelot arpentant le creux des montagnes et l'apprenti de la folie des torrents. Dans mes rêves, leur vieux monde brûlé, on danse sur les braises. On crame leur violence, leur cauchemar, leur foutaise. Je veux la liberté de voir les montagnes dormir, que le seul enjeu soit leur sommet à gravir. Je fais des cabanes, oublie la roulette. Ils peuvent nous poursuivre, on va les semer, t'inquiète. Je prends mon sac à dos, allez viens, on s'éveille. Je veux faire le tour du monde pour apprendre ces merveilles. Dans mes rêves, je fais des cabanes dans des endroits chouettes. Ici viendront pas nous chercher, t'inquiète. On veut des hameaux de ménestrels dans les arbres et plus jamais entendre leurs armes. Je fais des cabanes dans des endroits chouettes. Ici viendront pas nous chercher, t'inquiète. On veut des hameaux de ménestrels dans les arbres et que nos liens perdurent comme les rats. Dans 6.3 FPP, la jungle des luttes. On continue, on est ensemble jusqu'à 20h30 en direct et on est rediffusé le jeudi, le quatrième jeudi matin de 8h à 9h30. Et donc je rappelle avant qu'on se quitte, au cas parce que des fois au dernier moment on n'a pas le temps, vous pouvez donc retrouver l'assemblée du comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte le troisième mercredi du mois maintenant. À partir de 20h au CICP. Donc en général, on est dans la cafétéria. Il y aura un petit mot de toute façon pour savoir où c'est qu'il faut sonner pour rentrer. Et donc voilà, en général, on y est de 20h à au moins 22h minimum. Donc rejoignez-nous. Donc on continue avec le Chiapas. Donc on était avec Malo qui nous faisait un retour sur les quelques trucs qu'elle avait pu voir. Elle en a vu plein d'autres, mais du coup, peut-être tu peux juste nous dire un peu au niveau situation, complexité. Après, du coup, on est avec Max aussi qui en revient, du coup, pourra lui laisser, parce que lui, il est resté plus longtemps aussi. Il a d'autres trucs à nous raconter sur les rencontres. Je voulais juste prendre une minute pour présenter la petite chanson qui vient de passer. En plus, on l'avait dit. Oh, ouais. J'ai oublié. Pas de souci. Non, juste un petit mot. C'est une chanson qui s'appelle En cavale, qui a été écrite par les camarades de la Guinguette Vaillante, une ZAD aux alentours dans la région toulousaine, qui lutte contre la LGV Bordeaux-Dax. Et donc, ils ont créé un album qui n'est pas encore sorti. Donc là, c'est une avant-première qu'on a sur FPP. Cet album, du coup, va servir à financer les procès et l'ensemble des poursuites juridiques qu'ont plusieurs camarades de la ZAD. Donc voilà, j'ai pas trop d'infos sur comment acheter cet album encore, mais vous pouvez suivre les infos déjà sur leur canal Instagram qui s'appelle La Guinguette Vaillante. Et surtout, j'espère que les copaines pourront aussi peut-être venir ici à la radio pour en parler directement. Voilà, et puis du coup, on aura un stock peut-être et pouvoir le distribuer sur la région parisienne, puisqu'ils ne sont pas dans la région. Non, mais bon, toujours bon. Mais justement, du coup, prendre un stock pour pouvoir... Bon, bah merci beaucoup pour cette découverte. Plaisir. Ah oui, et donc par rapport à la situation... Oui, parce que c'est moi j'ai foiré le truc. Sur la situation et au Chiapas, la première fois que j'y étais allée, c'était juste avant les élections en 2024, printemps 2024, si je me trompe pas. Et donc j'ai trouvé le contexte totalement différent entre là cette année, donc j'en reviens, et l'année d'avant. La première fois quand j'y étais, c'était un contexte de violence assez fort, assez intense. Des choses qui étaient vraiment qui se passaient autour de nous. Il y avait des tirs, ça tirait à balle facilement, ça prenait... C'est ça, et c'était pas juste des nouvelles qu'on voyait une fois de temps en temps sur les infos, mais c'était des choses qui se passaient très régulièrement et à côté de nous, quoi. Voilà, il y a même une période, juste avant les élections, on nous disait en fait éviter de prendre les bus de nuit, éviter de faire ceci, de prendre les transports, de se balader, etc. Et là, je trouve que totalement différent, donc a été mis en place la nouvelle police PACAL, peut-être que Max en parlera un peu mieux après, mais moi j'ai trouvé qu'il y a comme une sorte de quiétude, quelque chose de très calme, entre guillemets, bon, puisque il s'est quand même passé d'autres choses, on en reviendra, mais comme quelque chose de très calme, je sais pas, moi je sens comme s'il y avait... Le calme avant la tempête. Ouais, le calme avant la tempête. C'est ça, exactement. Ouais, voilà, c'est quelque chose comme ça, que le calme avant la tempête. Bonsoir à celles et ceux qui nous écoutent, et merci à vous de l'invitation et de l'espace qui nous est donné pour pouvoir parler un peu du Chiapas et du Mexique. Moi aussi, j'en reviens récemment du Mexique, et j'y ai passé quelques mois, ce qui m'a permis aussi d'assister aux rencontres qui ont eu lieu cette année en avril et en août, dont on dira quelques mots. Mais sur la situation sécuritaire là, dont parle Malo, effectivement, on sent une sorte de quiétude et la situation s'est beaucoup apaisée par rapport à de nombreuses choses qu'on a pu entendre l'année dernière encore, même parmi certaines nouvelles qu'on peut recevoir encore de 2023. Je pense à un podcast super bien que d'ailleurs on peut recommander aux gens qui vient de paraître sur Reporter, fait par Juliette Duquesne, les carnets d'alerte, dans lesquels sont répertoriées différentes alternatives au mode de vie capitaliste et étatique, et dont celle des zapatistes. Et où il était encore question donc de très forte violence et une situation sécuritaire très tendue pour pouvoir accéder dans les territoires communautaires du Chiapas. Du coup, par rapport à ça, les derniers mois et cette année, avec l'arrivée du nouveau gouvernement du Chiapas, qui coïncide aussi avec le nouveau gouvernement fédéral mexicain, dont on entend beaucoup parler dans les journaux étrangers avec la présidente Claudia Sheinbaum. La situation s'est tranquillisée. Il y a eu beaucoup de communication et de propagande au niveau gouvernemental, au niveau du Chiapas, pour faire passer des messages de paix, des messages de tranquillité. Pour se faire une idée, quand on se balade le long des routes, on voit plein de peintures murales qui disent Chiapas seguro, Chiapas sûr, zéro corruption, halte à la violence, voilà, et qui voudraient contribuer à une sensation de calme. Il y a les PACAL qu'a mentionné Malo, qui sont des nouveaux corps armés d'élite qui ont été créés pour mettre en place des perquisitions contre le narcotrafic et des opérations qui ont été très médiatisées. Par contre, il y a eu effectivement quelques trafiquants arrêtés, mais jamais aucun gros poisson, disons. Il n'y a jamais eu aucun affrontement, aucun signe de résistance visible de la part du crime organisé. Et ce qui laisserait entendre, en tout cas c'est ce qu'on entend souvent de la part des gens, le bon accord. Sens qui dit qu'il y a eu un accord, une sorte de pacte. Et qu'on sait difficilement durable vu les enjeux qui sont derrière en termes de pouvoir et de contrôle de territoire. Et d'argent, bien sûr. J'en profite aussi pour rapporter ce qui s'est passé aussi au Chiapas avec les communautés de Belém, dont vous avez peut-être déjà parlé à une précédente émission, mais cette année, fin 2025, de la même façon que cela s'est passé fin 2024, il y a eu des nouvelles agressions qui ont un côté un peu différent, un peu plus inquiétant que les difficultés auxquelles font face les zapatistes depuis le début, face aux paramilitaires, face aux menaces, aux groupes entre guillemets d'autodéfense qui apparaissent. Là, ce qui est un peu de nouveau, c'est qu'il y a des gens qui débarquent sur des terres récupérées par les zapatistes en 1994, où du coup se déroule l'autonomie zapatiste, des habitants du Chiapas, indigènes, arrivent sur ces terres en les réclamant, en refusant tout dialogue avec les zapatistes et en affirmant leur légitimité à être là parce qu'ils auraient des papiers signés par le gouvernement du Chiapas. Ce qui est vrai, puisque du coup, il y a eu tout le processus justement de titularisation depuis 2006, où ils ont lancé ce processus de titularisation, où du coup, les zapatistes ne sont jamais allés, eux, faire les titres de propriété sur les terres qu'ils occupaient. Mais par contre, certains sont allés demander un titre de propriété sur des terres qu'ils n'occupent pas, mais des terres zapatistes, dont ils savent que du coup, eux ne vont pas les réclamer. Donc, ils se retrouvent effectivement avec un titre. Et que le gouvernement, par contre, est en train d'assumer aussi comme une tactique à mettre en place en ce moment pour acculer les zapatistes. Ce qui est assez inquiétant de voir une rhétorique aussi frontale de la part du gouvernement qui jusqu'à présent passait principalement par des stratégies indirectes paramilitaires pour acculer les zapatistes. Et... Je serais tenté de dire qu'en même temps, quand ils ont fait ce truc-là de la titularisation, c'était quand même quelque chose qui visait à dépouiller quand même les territoires où étaient les zapatistes, tu veux. Enfin, selon moi, enfin, à l'époque où on a vu ça arriver, après, il n'y avait personne qui s'était... Aucune personne n'était allée jusqu'à réclamer physiquement la propriété... tout en ayant le titre, mais on sait qu'il y a plein de gens qui ont des titres de propriété sur des territoires que les zapatistes occupent. Enfin, du coup, c'était quand même déjà en germe quand ils ont pris cette décision en 2006, je veux dire. Après, maintenant, ils passent à une autre phase où peut-être qu'ils soutiennent pour qu'on occupe physiquement, effectivement, avec des femmes, enfants, quand tout le monde débarque, etc. Ce qui pose un problème. En tout cas, ce qui se passe, c'est que ces personnes débarquent sur ces territoires-là en faisant fuir les zapatistes parce qu'ils arrivent armés, en tout cas dans le cas de l'année qui s'est présenté l'année dernière. Et que pour l'instant, on n'a pas de nouvelles, mais aux deux occasions, de la part des zapatistes, nous n'avons pas de nouvelles, mais aux deux occasions, celle de cette année, 2025, pardon, et en 2024, la réponse des zapatistes a été de se mettre à l'écart pour éviter un affrontement direct, qu'ils ont publié, qu'ils ont dénoncé ces actions, ils ont appelé à la solidarité internationale, il y a eu des réponses, mais en tout cas pas suffisamment de pression pour obtenir un changement d'attitude de la part du gouvernement. Juste, je signalerai pour les personnes qui pensent que les zapatistes, enfin souvent on représente les zapatistes armés, donc effectivement il y a une armée zapatiste de libération nationale, mais le commandement c'est les communautés de base, donc des paysans, et l'un des principes fondateurs des zapatistes c'est justement d'éviter absolument tout conflit entre frères, si on peut dire, c'est-à-dire qu'entre personnes, puisque ce sont des gens du même village ou en tous les cas avec une même histoire, et que l'ennemi véritable c'est donc justement l'État, l'argent, le capitalisme, etc. Mais donc surtout éviter le conflit, et c'est pour ça que depuis le cessez-le-feu du 12 janvier 1994, les zapatistes fuient toutes les situations qui pourraient... si tu viens armé, ben, vaut mieux s'en aller puisque eux ne vont pas tirer, donc ils vont pas se faire flinguer, donc ils sont obligés de partir. Donc c'est en ça que c'est très compliqué, puisque justement... Une situation du coup qui devient de plus en plus difficile à tenir jusqu'où. Et donc pour parler peut-être d'éléments plus positifs, malgré ce contexte un peu tendu et qui pourrait très bien justifier qu'il n'y ait aucun moment d'échange avec les zapatistes, aucun moment de rencontre qui puisse se faire... Bah non, les zapatistes, comme toujours, même au pire, dans les pires circonstances, proposent de se voir, des rencontres, de faire des choses ensemble. Et donc, ce cycle de rencontres qui a commencé en décembre 2024 s'est poursuivi avec plusieurs sessions, dont une en avril, une autre en août et une qui vient de se finir en décembre et début janvier 2026. Et donc, je peux parler de celle d'avril et d'août auxquelles j'ai assisté. En avril, il s'agissait surtout d'une rencontre centrée sur les arts qui invitait des intervenants artistes extérieurs et qui avait préparé aussi des participations d'artistes zapatistes. Les artistes mexicains et internationaux qui ont assisté sont passés présenter une diversité de prestations, de chants, de théâtre, de performances, de peinture, de danse, qui racontaient souvent les luttes des personnes qui portaient ces arts et qui nous nourrissaient tous d'une énergie puissante et qui nous aidaient à mettre de la joie et de la fête dans cette lutte et dans ce monde. Et quant à eux, les artistes zapatistes se sont beaucoup attachés, des artistes très jeunes d'ailleurs, on reparlera de la jeunesse peut-être, se sont beaucoup attachés à exposer comment ils comptent faire vivre leurs arts sans ce que propose comme outil le capitalisme. Donc ils se sont beaucoup adonnés à nous montrer des techniques artisanales qu'ils essaient de récupérer, que les jeunes pourraient oublier, mais qui savent que c'est important de ne pas les oublier. Donc des élaborations de pigments naturels, autofabriqués, de la céramique, réapprendre à faire du feu sans briquet et sans allumettes, de la vannerie et des productions artistiques qui en même temps cohabitaient. Ça c'est nouveau du coup ce que tu viens de dire là, parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'ils font des pièces de théâtre et tout ça qui racontent leur histoire à travers des chants et de la danse, mais là du coup c'est pas mal cette réappropriation et qu'ils donnent à voir, parce que du coup on le sait effectivement qu'ils essayent de se réapproprier, mais du coup c'est rigolo. Et du coup ils montraient devant le public au milieu du terrain de basketball qui servait de scène comment faire de la corde, comment faire un sac, comment faire un instrument de musique et ce genre de choses. Et du coup, à côté de ça, quand même, ce qui commence à être habituel, traditionnel chez la jeunesse zapatiste, du rap en langue maya, en tzotzil, en tzeltal, des poésies, pareil, dans leur langue originaire, des théâtres qui parlent de dignité, d'autonomie, de commun et du jour d'après. Et en août, c'était une plus grosse rencontre, plutôt sur un format conférencier, un peu plus classique. Mais qui se voulait central dans ce cycle de rencontres et où il y avait plus de 200 participations de collectifs et d'organisations nationales et internationales qui ont pris la parole successivement dans deux espaces simultanés, dans le Caracol de Morelia qui se trouve au Chiapas à 3h-4h de route de San Cristobal dont on parlait juste avant. Et ces organisations, on nous a dit qu'elles venaient au total de 37 géographies à travers le monde. Et donc, pendant deux semaines entières, donc beaucoup de jours, beaucoup de temps, les participations se sont enfilées les unes après les autres. Et sans arrêt, avec des petits moments festifs de temps en temps quand même. Et après 17h-19h, la dernière présentation, le petit repas du soir à la cantine aux communes, un peu de musique, du bailongo, du sonidero, un peu de cumbia de temps en temps, bien sûr pour animar el corazón. Et donc, c'est peut-être intéressant de mentionner que de la France, il y avait aussi quelques organisations qui étaient présentes. On comptait là-bas des organisations comme des sections locales de Solidaire et de Sud Éducation. Il y avait également présent BDS France, les Soulèvements de la Terre, les Peuples Veulent et des Camarades de Longomaille. Ouais, je crois que cette année, il y a eu des groupes, des collectifs qui sont venus et qui, depuis des années, s'étaient pas présentés, en fait. Ouais. Enfin, cet appel visiblement pas mal circulé, quand même, et fait venir du monde, malgré que depuis, comme on disait... Mais elle a été très anticipée, déjà. Anticipée, même si on sait toujours que c'est la première quinzaine d'août. En vérité, c'est là où il y a le plus de gens en vacances, au Mexique et au niveau international. Ça faisait un an qu'ils avaient déroulé quand même, en disant toute l'année, on va faire des rencontres en décembre, en avril, et dans l'été. Oui, c'est ça. Donc, si tu veux, du coup, les gens déjà savaient que l'été, ils allaient pouvoir prendre un billet. Ouais, voilà. Mm-hmm. C'est... Mais du coup, avec des dates précises annoncées un mois avant. Ouais. Pour nuancer. C'est pas très important. Mais, et donc, en parallèle de ces participations, il y avait aussi encore, et toujours maintenant, apparemment, des théâtres zapatistes présentés par la jeunesse qui ressemblaient en partie à ceux qui ont été présentés en avril et qui étaient organisés et construits par la jeunesse zapatiste des 12 régions, des 12 caracoles. Donc ça représentait un grand, grand, grand travail de coordination et de préparation. Parce que les distances de différentes sont très langues, ouais, de et différentes puis c'est des très grandes distances en fait, ouais. Et montagneuses, ouais. Régions de montagne, donc avec c'est des pas réseaux tout droit, de route quoi. Pas ouais. Forcément voilà, très facile à prendre, voilà. Et qui racontait différentes choses, qui racontait en partie le voyage pour la vie qui a eu lieu en 2021. Ils sont revenus sur certains épisodes, dont celui de Chypre. Ils ont aussi parlé des erreurs qui ont été commises dans le fonctionnement des 20 années d'autonomie précédentes et qui a laissé place du coup à une nouvelle structuration. Et ils ont aussi beaucoup parlé du commun et de ce que représente le commun et de l'idée de non-propriété qui dialogue et qui est articulée avec cette notion dont on ne pourra pas trop... préciser. Mais ça, du coup, les communs, on en avait déjà parlé plusieurs fois. Du coup, il n'y a pas de problème. On reviendra dans le détail, justement, un jour à cette occasion. On va vous laisser. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'était La Jungle des Luttes, émission proposée par le CSPCL. On peut se retrouver le troisième mercredi du mois à 20h au CICP, si vous le voulez bien. Et puis sinon, on se retrouve le mois prochain, troisième lundi du mois. Merci. Merci à la technique. Ciao. Bye.